synthèse, mais une synthèse hétéroclite et dynamique, ce qui, en soi, est un manifeste esthétique. Merci beaucoup, Hélène. Et donc, il nous reste à peu près une demi-heure pour la discussion. Oui, il y a pas mal de questions, je vois. Alors, peut-être que Fanny, vous pouvez vous installer avec nous pour vous faire le relais des discussions. Moi, d'ailleurs, en écoutant Hélène et notamment sa conclusion, une bonne partie du répertoire du 19e joue sur cette accumulation de références, d'ailleurs plus ou moins voulue, parce que ça peut être aussi de la part de dramaturges moins habiles, une façon d'être imprégné par des choses qu'on recrache, et donc joue quand même vraiment sur la culture du public. Et alors là, on voit que chez Rostand, ça peut toucher un public très savant, comme un public finalement beaucoup plus banal. Mais ça, c'est intéressant parce que je pense que c'est un trait d'écriture dramatique propre au 19e siècle. Jouer avec cette culture, qui d'ailleurs s'inscrit même dans un certain nombre d'éléments propres, comme les timbres, pour tout ce qui est pièces avec de la musique, où là, effectivement, les femmes nous sont intéressantes parce que qu'on connaît les paroles et les origines, etc. Donc, Rostand reprend en le magnifiant, finalement, un mode de fabrication qui est assez typique du théâtre de cette époque. Et de ce point de vue-là, en travaillant sur Cyrano, on comprend plein de choses sur l'ensemble du théâtre, je pense. Alors, Fanny. Pour revenir aux questions sur votre intervention. Donc, nous avons une première question de Thomas Conrad. Je me permets d'ajouter pour l'allusion à Corbière un ajout et une question. Les poèmes berceuses épilogues de L'Aiglon évoquent les rondelles pour après. Et dès les Musardises, il y a un charivari à la lune qui présente des analogies avec la litanie du sommeil. Où Rostand pourrait-il avoir lu Corbière, Paris Chepin et le monde bohème? Oui, certainement. Je ne sais pas si c'était difficile à trouver. À l'époque, quand est-ce que ça a été réédité? Mais bon, les exemples donnés montrent effectivement qu'il n'y a pas peut-être, c'est certain, j'avais pas pensé à L'Aiglon, effectivement, ça retent plus jusque-là. Alors, il y a des questions. Ah oui, non, elles sont bien plus en haut dessus. Alors, excusez-moi, parce qu'il y a beaucoup de. Une question à propos de l'article du Gaulois, oui. Dont je pensais pour Jean-Claude. Est-ce que la critique considère généralement Cyrano comme un personnage pour l'emploi de jeunes premiers? Vous avez lu, Hélène, pas tous les trois, d'ailleurs plus d'articles sans doute autour de la création. Ce qui était intéressant là, effectivement, c'était le point de vue de Coquelin et le fait de cumuler plusieurs types d'emplois, et notamment pour lui, des emplois différents de ce qu'il avait d'habitude. J'ai pas l'impression qu'en fait, ça a été beaucoup lu à travers cette histoire de jeune premier. Là, c'est plutôt ce qui était intéressant, c'est la façon dont Coquelin a ses grilles de lecture par rapport à la pièce. Mais donc, si vous voulez réagir là-dessus. Ce que tu as fait valoir extrêmement intéressant à propos des tournées Montcharmont à Luguet, c'est qu'en effet, les interprètes qui font la doublure de Coquelin sont beaucoup plus jeunes que lui, mais lui crée un rôle très figé. Il y a des reprises de rôle par Charles Le Bargy, notamment en 1913, qui indique qu'il y a quand même un cadre très contraint qui est la performance de Coquelin qui doit être répétée. Et en fait, cette question sur la jeunesse de Cyrano et sur la jeunesse du rôle, elle va en réalité alimenter les grandes reprises du XXe siècle. Et c'est à partir des années 20, Pierre Fresnay, par exemple, en 1928, au théâtre Sarah Bernhardt, qui va poser la question de la jeunesse du rôle. La question, c'est pas tant d'être jeune que de jouer jeune. Et c'est à ce moment-là que ça devient une question. Avant, le personnage de Cyrano, c'est la figure comptée, créée par Coquelin, et que l'on répète ça. Et la reprise de rôle, c'est vraiment la reprise d'une tradition du rôle, qui est la tradition Coquelin. Et la difficulté, c'est d'échapper au XXe siècle, ou Coquelinade, précisément. Non, bah, merci beaucoup. D'ailleurs, avant de passer la parole à Patrick, je précise que c'est Sophie Lucet, enfin, vous l'avez tous reconnue, qui intervient, puisqu'elle est, elle est ici, la puissance invitante, en quelque sorte, dans cette bibliothèque si vachère. Je suis surtout préparatrice, comme vous. Qui est préparatrice aussi. Course, voilà, je voulais juste le préciser. Et Patrick, juste pour apporter une nuance, je serais juste que Sophie, le Bargy a quand même proposé la version de Bargy à cette époque, hein, il a proposé autre chose de plus sourd. De plus neurasthénique. Oui, parce qu'en fait, il était assez âgé à ce moment-là, Charles Bargy. Oui, mais en 1913, on dit qu'il est neurasthénique, il n'a pas la verve, il n'a pas la vigueur de Coquelin. Mais on ne le dit pas comme une critique. Non, mais sur la question de l'âge du rôle, ça, c'est une question qui vient plus tard dans l'historiographie de la reprise des rôles. Mais peut-être une chose aussi sur les emplois. Ce qui est passionnant, c'est la tension entre les trois emplois. C'est que, pour pas dire la contradiction, comment peut-on être en même temps grand premier comique et grand jeune premier? Or, c'est ça, Cyrano, d'où la difficulté extrême de jouer ce rôle. Coquelin l'a tiré vers le comique, parce que c'est son emploi de base, d'autres ont été plutôt vers le pathétique, vers or, le vrai Cyrano, si on peut le dire comme ça, doit avoir un dosage exact et être crédible comme jeune premier, comme jeune amoureux. Ce qui reviendrait à dire que du coup, il dynamique quand même le système des emplois, parce que en les cumulant, ça... Ça fait que ça rentre dans aucune catégorie. Oui. Mais, je pense que Coquelin n'a jamais été un jeune premier. Non, c'est jamais. Non. Peut-être on pourrait voir quelqu'un qui a marqué le rôle dans les années récentes, c'est Jean-Pierre, qui a dû faire les trois. Oui. Les trois virtualités. Oui, c'est vrai, qui correspondait. Fanny, peut-être d'autres. Oui. Alors, une question sur les autres pièces de Rostand. Que sait-on vraiment de leur succès ou de leur échec, critique et populaire? Je trouve cela difficile à estimer. Peut-être pour Jean-Claude, je pense. Ça date. Oui, mais alors je pense qu'effectivement, il y a des gens beaucoup plus à même de répondre, Patrick notamment. Non, juste un mot. Pour ce qui suit Cyrano, il n'y a pas de problème. C'est très clairement, L'Aiglon est un succès aussi. Et Jean-Claire pose des problèmes, et Jean-Claire a été joué pendant une année à sa création malgré tous les problèmes. La question se pose est très intéressante pour les premières pièces. Les romanesques a été inscrit au répertoire du français et on a célébré la 100e en 1913 ou 1911. C'est-à-dire 100 fois en 16 ans. Ça joue pas beaucoup, mais c'est le principe de l'alternance. Et donc la pièce, à mon avis, n'a pas eu la résonance qu'elle aurait dû avoir. Tantôt, à un moment, elle était couplée avec Polyeucte, ce qui est assez... Bon, voilà. Donc, je crois que la pièce a perdu un peu quelque chose de son identité. Pour La Princesse Lointaine, les représentations se sont arrêtées au bout d'un mois, alors que tout semblait réussi. Il n'y a pas de critique profonde, mais quelque chose n'a pas pris. Et La Samaritaine, Sarah Bernard l'a résolument, délibérément... Ça a été une création très réussie, mais Sarah Bernard a décidé de ne la jouer qu'au moment de Pâques. Elle a repris quasiment toutes les années, jusqu'en 14. Et ça a évidemment donné un côté Parsifal. Bon, à un moment, on jouait Parsifal à Pâques aussi. Bon, c'est à la fois un éloge de la pièce, une assurance, mais ça limite sa répercussion. Je crois que c'est pour ça que la question est intéressante. Elles ne sont pas vraiment devenues populaires, même si Sarah a fait des tournées avec La Samaritaine en particulier. Et les pièces ont un peu sombré, je pense aussi à cause de l'effet massue de Cyrano. Et je crois que Rostand n'a pas dû tellement vouloir le retour de ses premières pièces. Parce qu'avec Sarah Bernard, il parle beaucoup d'une nouvelle version de La Princesse Lointaine, qui n'a jamais vraiment fait, et qui n'a jamais été joué par Sarah Bernard. Alors, pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Alors, Delphine Blaise, merci pour ces présentations éclairantes. Pourriez-vous nous donner quelques pistes pour saisir la caractérisation générique comédie héroïque au XIXe siècle? un article à paraître de Sylvain Médin là-dessus. Bon, l'inventeur de la catégorie, c'est donc Corneille, hein, et c'est un genre qui a une courte durée de vie au XVIIe siècle. Jean-Yves Guérin dit que c'est plus une catégorie baroque, c'est la tragicomédie en train de se classiciser, donc c'est une c'est aussi une catégorie typique de cette période d'entre-deux. On n'est plus dans le théâtre baroque, on n'est pas encore dans le théâtre classique. Donc il y a assez peu de pièces hein, qui entrent dans cette catégorie au XVIIe siècle. Et elle ressurgit. Alors moi, je connais que l'exemple qu'on donne toujours d'Émile Bergerat, très peu de temps avant Le Capitaine Fracasse. Deux ans avant, là, il y a la catégorie générique. Il y a bien sûr l'adaptation théâtrale du Capitaine Fracasse, qui est une des sources là évidentes de. Donc, est-ce que c'est ça qui l'influence ? D'autres comédies héroïques au XIXe siècle, est-ce que c'est une catégorie qui avait réapparu ? Pourquoi Bergerat l'utilise ? J'avoue que je ne sais pas. Et ce qui est formidable, c'est que quand Rostand dit que c'est un autre Bergerat, comédie héroïque, ça ne fait pas de problème. Moi, l'impression, c'est tout à fait. C'est-à-dire, c'est quelque chose. En même temps, moi, je me pose la question, est-ce que vraiment le terme a été beaucoup repris? Et je vous renvoie, enfin, est-ce que vraiment à l'époque, on l'a vraiment beaucoup pris comme ça? Dans les éléments, enfin, dans les éléments de la SACD, je suis pas sûr que le terme soit repris. On a parfois pièce à grand spectacle. Parce que, un élément qui est très important à savoir, c'est qu'effectivement, ces catégories, change énormément. Et donc, pour une même œuvre, on a sur, par exemple, quand c'est un opéra, on a sur le livret, la partition dans la presse, différents mots. Et sur une des affiches que j'ai montrées, par exemple, pour la diffusion en province, il y avait marqué pièce héroïco-comique à grand spectacle. On n'avait pas repris ce terme de comédie. Voilà. Donc, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que je parle sous le contrôle de vous trois, ce terme n'est pas beaucoup utilisé au 19e siècle, effectivement. Et donc, je pense pas que dans l'esprit des gens, c'est une catégorie vraiment très particulière. Et au moment de l'œuvre, à la fois, ça n'a pas posé problème, visiblement. Et en même temps, je pense qu'on a dû appeler la pièce de plein d'autres noms, à l'époque. Donc, à la fois, ces notions génériques sont importantes et en même temps, dans la pratique, sont à relativiser. Mais Sophie, tu avais quelque chose à dire ? C'est une question que je voulais vous poser justement sur la question de l'édition du texte. C'est-à-dire qu'en effet, cette affiche que tu nous as montrée, Marc a dit bien pièce héroïque-comique à grand spectacle. Et d'ailleurs, ensuite, dans les vignettes de l'affiche, les titres, les parties de l'œuvre ne sont pas exactement ceux de la pièce imprimée. La pièce imprimée est publiée en 98, et là, Edmond Rostand sous-titre la pièce « Comédie héroïque ». Donc, je me suis demandé s'il n'y avait pas là une manière de légitimer, en quelque sorte, de mieux légitimer littérairement la pièce au moment de sa publication, en parlant de comédie héroïque, plutôt que de maintenir ce syntagme qui fait signe du côté de la pureté, de l'impureté du grand spectacle, pièce héroïco-comique à grand spectacle. Donc il y a un déplacement dont je me demandais à quel point il était maîtrisé, délibéré, voulu par Rostand. Donc c'est une question. Et puis la deuxième question qui touche à l'édition du texte concerne le nombre de vers de la pièce. Dans ton édition, c'est 2572 vers. Parfois, on lit 2570, parfois 2576. Quid ? Ça, c'est à cause des petits poèmes insérés. Qui peut. Moi, je n'ai pas compté comme un vers, mais on peut aussi. Oui, parce que Roger Vasselin, par exemple, dans son édition, dit en fait, les tralalalala, ils ne sont pas comptés parce qu'ils ne sont pas rimés. Voilà. D'accord, donc il y a parfois un écart entre 2 et 5 et 6 vers. Mais 170, là je ne sais pas du tout. Et bien lui, par exemple, il fait descendre à 2570 parce qu'il enlève les tralalalalalalalalalalalalalala. Il entend ça ? C'est ce qu'il explique dans son œuvre de page. Et donc, voilà, c'était une question sur l'édition du texte. Au fond, est-ce qu'il y a beaucoup de variantes ? Moi, c'est ça que je ne sais pas. Pas tellement, il y a une édition Lafitte qui corrige les choses, mais qui n'est pas très. Très très cohérente. Je pense que Rostand n'avait pas un goût très grand pour relire peaufiner l'édition de Pépinette. Alors pour ce que tu disais sur le terme comédie héroïque, il faudrait peut-être regarder le programme de la Fédération. Je crois que c'est difficile de mettre en cause quand même le héroïque-coco, c'est pas terrible comme expression, je vois pas. Non, c'est pas héroïque, c'est héroïque-comique. Héroïque-comique. Pièce héroïque-comique en 5-4, un grand spectacle. Oui. Pièce à grand spectacle de plein genre. C'est l'affiche des tournées de Luguet. D'accord, mais c'est comme si tu juges un film aujourd'hui sur une bande-annonce. Non, je ne juge pas du tout. Ce qui me paraît intéressant, c'est que ça permet de penser l'écart entre la vie du théâtre et la vie du texte. Et c'est une vraie question qui peut intéresser des littéraires pour la navigation. Ta question, et d'ailleurs, effectivement, il faudrait pouvoir, je crois pas que malheureusement on a beaucoup d'archives de la Porte-Saint-Martin à cette époque, si on a un journal de bord, etc., qui permettrait d'en savoir un peu plus, mais sans doute si on regardait la presse, la façon dont la pièce est présentée dans les différents journaux, je suis quasi certain qu'on doit trouver tout et n'importe quoi, et que le terme comédie héroïque ne s'impose peut-être pas, et que peut-être, comme le suggère Sophie, c'est au moment de la publication, peut-être, que ce terme a... Enfin, j'en sais rien. Regardez le feuilleton du journal des débats, ils font le sommet. Oui. Comment ils le présentent? Le maître, dans l'article dont je parlais, parle d'une ravissante comédie. Donc, oui, dans le contexte du 19e siècle, c'est pas du tout anodin qu'ils choisissent bien instant héroïque. C'est une comédie, alors là aussi, forcément, on va aller vers Musset. L'époque romantique a permis d'appeler comédie des choses qui se terminent mal. Mais lui, je pense que c'est vraiment une volonté. Après, oui, c'est passionnant le fait qu'il y a deux systèmes de communication pour la scène et pour le livre. Et on peut imaginer, en tout cas, d'un mot, puisque j'ai lancé un peu cette histoire autour de l'affiche, que précisément, même si le terme comédie héroïque était celui qu'on avait utilisé à Paris, il a semblé compliqué pour une affiche destinée à un public provincial, où peut-être ce terme ne disait pas grand-chose, et puis qu'on est allé vers notamment la mention du grand spectacle, qui est quand même quelque chose de très valorisant, et qui était aussi une façon tout bêtement de dire « Nous, tournez mon charmant Luguet, on met de l'argent dans ce qu'on vous présente, etc. etc. » et que donc, c'est aussi peut-être quelque chose utilisé par rapport à un public non parisien. Mais en tout cas, ce qui est intéressant par rapport à cette question qui a été posée, c'est d'avoir en tête à quel point ces éléments sont instables et à quel point, en partie, ils sont le fait parfois des auteurs et parfois, effectivement, simplement du système autour qui cherche à faire du commerce, à vendre, et qui va chercher l'étiquette qui lui semble la plus valorisante. Mais l'affiche, ça relève de la publicité. Oui, bien sûr. Elle décrit le grand spectacle auquel Rostand a participé. Il était à toutes les répétitions. Il a bataillé avec les décorateurs, avec le meunier à propos du siège d'Arras parce que le décor ne lui convenait pas, etc. Donc, c'est simplement une question de posture. Et à un moment donné, il y a une posture de Rostand qui est un peu à la Sardou, qui est celle de l'auteur-metteur en scène. Et puis, au moment de la publication du texte, il y a l'autorialité littéraire qui, en quelque sorte, le rattrape ou qui le rattrape. C'est une question, je pense. Vraiment, c'est tout. Je crois qu'il joue sur les deux tableaux. C'est ça, un grand homme de théâtre de son temps, il faut qu'il y ait les deux tableaux. C'est ça. Et d'ailleurs, je crois que sous votre contrôle, je pense qu'il n'y a pas eu d'affiche pour la pièce parisienne. Parce qu'effectivement, a priori, Sarah Bernard en fait quand elle demande à Mucha, mais c'est exceptionnel. Normalement, on a des affiches typographiques, où d'ailleurs on aurait forcément la mention du genre, est-ce qu'elles ont pu être conservées, mais l'équivalent de cette affiche provinciale, on n'a pas une affiche parisienne qui a été pourtant diablement intéressante pour savoir à qui on l'aurait commandé, qu'est-ce qu'on aurait eu, mais elle n'existe pas. Donc je dis ça aussi pour qu'on ne cherche pas l'affiche perdue, qui n'a jamais existé. Alors, on a deux remarques. À mon avis, comédie héroïque remplace comédie de cap et d'épée qui est un peu démodée, nous dit Sarah Mombert. Et par ailleurs, Benoît Baru, Diane au bois de Banville est aussi labellisée comédie héroïque. D'accord. Ouais, ça renforce le lien avec Banville, quand même, un élément très important. Je reviens, vous me posez une question justement à ce sujet. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'article de Bertrand de Goth sur l'influence des autres funambulesques sur Rostand. Et je t'ai écouté, Hélène, avec plaisir, le riquet à la houppe de Banville est certainement une... texte qui a influencé Rostand. Il n'est pas joué en 84, il est publié en 84, il n'a pas été joué. Il a été joué en réalité en 1913. De même que Florise, qui est une comédie, alors héroïque, j'en sais rien, qui se passe au XVIe siècle, qui est une sorte de variation sur le capitaine Tracas, qui met en scène les poètes Jodelet, Hardy, avec un épisode de théâtre dans le théâtre tout à fait symétrique de ce qu'on a dans Cyrano de Bergerac, qui est publié chez Le Maire, qui n'est pas joué et qui sera joué après Cyrano, comme si Cyrano redonnait en quelque sorte une actualité à ce théâtre de Banville, qui, à mon avis, à mon sens, a un rôle considérable sur Rostand et sur Rosemonde. Rostand et Rosemonde ont lu ensemble le petit traité de la poésie française, les odes funambulesques et le théâtre publié de Banville en 1878. Ce théâtre, il est à moitié joué à la Comédie française. Pour l'autre moitié, est un théâtre livresque, demeuré dans le livre, par exemple, qui est à la Houppe jusqu'à Rostand. Et pour moi, le lyrisme, l'idéalisme lyrique de Banville, la manière dont il défend la poésie rimée au théâtre, le fait que le théâtre soit précisément le lieu où le vers peut être défendu parce qu'il n'est pas simplement lu, mais entendu et chanté, pour moi, Banville a exercé, je crois, une influence considérable sur Rostand. Mendès, Rostand, Richepin sont vraiment trois émus, trois admirateurs de Banville, et je trouve personnellement qu'on sous-estime un peu la trace du théâtre de Banville dans le théâtre de Rostand, le précédent, hein, le baiser pour les deux Pierrot et d'autres. Et qu'il y a beaucoup de textes du théâtre de Banville qui viennent aussi jouer dans ce jeu de réminiscence dont tu as très bien parlé, Hélène. Nous avons une question d'Agnès Curel à propos des rapports entre Rostand et le mélodrame. Y a-t-il des rapports ? Que sait-on des rapports entre Rostand et le mélodrame ? Qui prend ? Non, je ne vois pas quoi dire d'intéressant là-dessus. C'est un genre encore fortement dans le drama scénique, dans le goût public de la fin du 19e siècle. Bon, ce que je dirais là, comme ça, spontanément, mais c'est peut-être un peu une lecture personnelle, pour moi, chez Rostand, il n'y a pas de pathétique. Il ne va pas vers ça, justement. Mais peut-être que je me trompe. Donc pour moi, c'est pas un ressort, une corde qui l'intéresse. D'ailleurs, on voit rarement cette question du mélodrame, je trouve, évoquée à propos de Cyrano. Mais je me trompe peut-être. Je pense à un genre en déclin à son époque, oui, qui vit de reprise. Oui. Les grands classiques ont repris dans la scène populaire. Mais oui, je vois pas que. Ce que j'ai montré effectivement dans ce qui était joué en 97 à la Porte Saint-Martin montre quand même avec la persistance de cet arrière-plan du mélodrame dans le lieu de la création, même si on est à une époque où il n'y a plus vraiment de troupe quand même des acteurs avec cette culture, donc c'est là en arrière-plan. C'est vrai que je m'aventure sur des textes en palonienne, mais il me semble que les liens plus directs sont quand même beaucoup plus ténu et c'est pas une grille de lecture forcément totalement. Et là aussi, l'appellation comédie, elle vise à éloigner lecture rapide qui ferait de Cyrano un mélo, à mon avis, ne fonctionne pas. Bon, je pense que le modèle du mélodrame à la Pixérécourt, effectivement, on aurait du mal à le trouver dans le théâtre de Rostand. En revanche, les spécialistes du mélodrame ont très bien montré qu'en réalité, le mélodrame imprègne toutes sortes de formes du théâtre populaire au XIXe siècle, et notamment le drame historique, au théâtre historique de Dumas et tous les avatars du drame historique. Et l'imprégnation du mélodrame là est très forte. Et de ce point de vue-là, je pense que Rostand, que le théâtre de Rostand entre dans ce jeu d'imprégnation. Mais c'est un peu Louis XVII. Et comme tu le dis très bien, Sophie, pour Cyrano, c'est peut-être effectivement par le trajet que le mélodrame a déjà fait dans d'autres types de pièces, notamment effectivement le drame historique, le drame de KPDP, plutôt que par un lien direct. C'est plutôt, on est peut-être dans des nuances un peu byzantines, mais c'est plutôt de cette façon-là que ça marche. Oui. Moi, parce que par exemple, moi, un élément évident, mélodrame et théâtre en vers, oui, ça pose problème. Donc, c'est pour ça que le théâtre de Moussé, ça marche pas si bien, sauf le premier Aquarelle des jeunes filles. Pour le reste, le théâtre qui fonctionne, c'est vraiment celui de Bonville. Et c'est Bonville aussi. Non, mais j'y tiens parce que je pense qu'il y a des effets, il y a des éléments de citation textuelle qu'on doit pouvoir identifier, retrouver. C'est l'éloge que Bonville fait dans les lettres chimériques et d'autres textes du théâtre de Shakespeare, qui permet de réactiver toutes ces références au théâtre de Shakespeare dont tu parles et de comprendre pourquoi elles sont là sur le mode de la réminiscence. Et pour moi, le grand réactivateur de Shakespeare au théâtre, c'est autant Bonville que le Hugo de la préface de Cromwell. Vraiment. Alors, nous avons une question de Guillaume Cousin. Si Mallarmé est le poète favori de Rostand, trouve-t-on des éléments de dramaturgie symboliste dans Cyrano de Bergerac? À la télé, ils disent « Je vous remercie pour la question ». Très excellente question, complexe. Alors, comme on vient de dire qu'il y a de tout dans Rostand, dans ce qu'a dit Patrick, il connaissait, il a visiblement été sensible à cette esthétique symboliste qui semble tenir à distance, sauf que dans La Princesse lointaine, il y a quand même une imprégnation alors plus évidente, peut-être. Dans Cyrano, le dernier acte, peut-être, hein, cette rupture violente après cette gesticulation, ce rythme, tout à coup tout s'arrête. On est dans une sorte de pétrification, de changement complet, de tempo, de couleur, de... Bon, mais... Les feuilles qui tombent, mais c'est pas du Maeterlinck. Donc, je sais pas. Sophie, peut-être, là-dessus. Le sonnet en X pour la tirade d'Énée ou la balade en vers. Pourquoi pas? Et puis je pense que Rostand a lu évidemment Hérodiade et ce qui le rattache, pardonnez-moi, je radote, mais ce qui le rattache à Mallarmé, c'est l'admiration que Mallarmé professait pour le théâtre de Bonville. Diane au bois, c'est l'après-midi, enfin, va conduire vers l'après-midi d'un faune. Voilà. Mais le théâtre symboliste, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose du théâtre symboliste? Je pense que Rostand cligne de l'œil du côté des représentations qui ont fait date comme Pélias et Mélisande. Oui, la scène du balcon, c'est aussi Pélias et Mélisande, si tu vas par là. Donc il y a des réminiscences, mais qui jouent sur l'écho d'une culture théâtrale commune, de spectacle vu, plutôt que de convergence esthétique. Là, pour le coup, je crois que Rostand va dans une autre direction. C'est-à-dire, le témoignage de Radiguet, c'est Mallarmé est le poète favori de Rostand. Il ne dit pas qu'il a cherché à faire du Mallarmé. Oui. En revanche, il a fait un poème, un éventail, vraiment, sur le modèle. Donc, c'est peut-être pas, effectivement, dans Cyrano qu'il faut chercher l'éventuelle influence. Peut-être une dernière remarque ou question, puisqu'on arrive à 13h. Il n'y en a plus. Non, excusez-moi. Une dernière. La référence à Scarron est souvent faite. Sur quoi porte-t-elle au juste? Peut-être est-il trop tard pour prendre cette question. Non, il n'est pas trop tard. J'en profite pour remercier tous les orateurs de la part de Thomas Conrad. Ben, merci. Merci. Mais il y a donc Jaffé d'Arménie. Il y a beaucoup de choses que ce monsieur est bien repéré. Oui, et l'ouverture de Cyrano, c'est la grande scène de bataille dans le théâtre. Enfin, ça évoque la grande scène de bataille dans la salle du théâtre du jeu de paume du Mans, dans le premier chapitre, oui, de l'ouverture de roman de Cyrano. Et de la pièce de Mendès. Et de la pièce de Mendès, oui. Et puis il y a le capitaine Fracasse entre les deux, et donc le Fracasse de Bergerac juste avant. Donc il y a un feuilleté de référence qui font signe dans le roman comique, bien sûr. Et puis Ragotin, on pourrait trouver... quelque chose du burlesque de Scarron dans des personnages de Cyrano, c'est plein de choses. Et en même temps, il y a l'étoile les comédiens qui d'un idéalisme poétique qui est aussi chez Scarron. Bien, ben donc on va peut-être s'arrêter justement sur cette référence au roman comique. Et je remercie beaucoup Hélène Laplace-Cavry, Patrick Beignet, aussi d'ailleurs Sophie, d'être intervenue et de nous avoir apporté beaucoup pendant la discussion. Donc cette matinée se termine. Je mettrai, il faut que je corrige, j'ai vu un certain nombre de petits, je mettrai mon PowerPoint en ligne et puis même en rajoutant des références pour que ça soit utile. On verra entre nous si éventuellement l'enregistrement de vos interventions peut être mis en ligne ou si vous voulez il y a un texte ou quoi que ce soit, mais ça fait partie des choses qu'on va discuter ensemble. Mais vraiment merci beaucoup et merci à nos participants à distance. Et puis donc forcément à bientôt pour une autre activité de la SERD. Elles sont multiples, ne serait-ce que le congrès Vivre Vite.